Jean Tremblay, maire de Saguenay, de lâcher une sucrée hier. D'abord, ça a brassé, il faut le dire, à la séance du conseil hier. Ouais. Toutes sortes d'affaires, hein, ça a revolé. Bon, toutes sortes d'affaires là, plus ou moins bonnes, là, mais le point qui moi j'ai pogné ça hier, une petite nouvelle de Radio-Canada Saguenay. Et à la fin, on dit, enfin, là on résume le conseil de ville d'hier, tu sais. Et enfin, le conseil a eu la visite d'une femme portant le niqab. Oh, un voile musulman couvrant les cheveux et le visage. On voit juste les yeux, là, c'est ça le niqab. Devant Jean Tremblay. Devant Jean Tremblay. Venu demander s'il était possible de porter un burkini pour la baignade aux piscines municipales de Saguenay. Donc, un peu reprendre l'histoire qui est sortie à Québec. Burkini, exact. C'est-à-dire qui était permise dans une piscine municipale. Et la bombe qui avait réagi. Qui était une fio, c'est ça. Ben non, en fait, lui avait dit, moi, je suis pas d'accord avec ce mode de vie-là. Mais c'est sa vie à elle. Là. Moi, je peux pas empêcher quelqu'un. Il a dit, c'est un tissu qui est fait pour aller dans l'eau. Il avait accepté ça. Et Jean Tremblay lui a saisi. Tu comprends bien qu'il a jamais vu ça. Là. Après avoir affirmé que c'était la première fois qu'il voyait ça, une femme, lui, partant à un niqab au Saguenay, Jean Tremblay a ajouté qu'il préférait discuter de la question en privé avant de se prononcer là-dessus. Ça, c'est dans l'article de Radio-Can. Ça, c'est dans l'article de Radio-Can. Mais notre chum de Kick, on va leur donner le crédit. C'est eux qui ont réalisé l'entrevue ce matin. Où il y a eu du bon bouillon, du bon jus qui est sorti de la bouche de Jean Tremblay. On va écouter un extrait. Ça s'est passé donc ce matin sur les ondes de Radio X Saguenay. C'est Dom Fortin qui interviewe Jean Tremblay. Dans le règlement, qu'est-ce qui les empêche de se baigner en burkini? Pensez-vous que j'ai regardé ces règlements-là? Je n'ai jamais vu de ma vie, jamais regardé ça. Moi, ouais, mais c'est parce qu'on se posait la question. Il n'y en a pas, on va en faire. Ben là, franchement, là, écoutez, si on permet ça, ils vont aller partout puis ils vont nous demander de changer les règlements de la ville. Hey, ils vont virer le monde, là, ils vont virer le monde de bord. Là. Non. Je vous le dis de suite, non? Avec moi, là, ils vont frapper un mur, là. Ouais, on n'est même pas capable de réciter une petite prière de 30 secondes que nos ancêtres récitent depuis que le Québec existe. Non, je sais pas d'où ils arrivent. S'ils arrivent du Maroc, là, il y en a encore des avions qui retournent au Maroc, là. Et... ça existe, ça. Ça, c'est acceptable, ça. Je sais pas trop, là. Là, on va recevoir des courriels encore, là, des pro-chartes agressifs, là, qui vont dire qu'on est dans le champ et que c'est ça qu'il faut. Faut les botter à l'extérieur du pays à grand coup de pied dans le derrière. Mais l'extra sauce, enfin. L'extra sauce, textuellement ici. On peut les mettre sur un avion. Il y a encore des avions qui vont au Maroc. Sacré camp, là. Ouais. Je sais pas d'où ils viennent. Puis savez-vous quoi? Le pire, c'est que là, on a appris ce matin que c'était un coup monté. Un coup monté. C'est des étudiants de l'Université du Québec à Chicoutimi qui sont allés tester le maire qui a tombé en plein dans le panneau, là, qui nous a démontré à tous son intolérance, là, assez à la face du monde entier, pas mal, là. Toi, Martin, je sais pas, t'avais tendance à dire, il y a un peu raison. Non. À la fin, non, c'est complètement, il déborde complètement. C'est une déclaration raciste à la fin. J'espère. Mais sur le raisonnement de Tremblay, qui dit, si on donne cet accommodement-là, moi, je vais avoir le mien. Là-dessus, Jean-Claude, je suis désolé, il a raison. Si on donne un accommodement à une fille pour se baigner en burkini, puis je compte ça, là. Moi, je suis pour une application sévère, un encadrement sévère des accommodements culturels ou religieux. Mais Alice Gagné, toi, t'es contre ça ou? Si on lui donne cet accommodement-là, ouais. Pourquoi Jean Tremblay ne pourrait pas avoir ça? Parce que moi, je fais une très, moi, dans ma tête, c'est super important de séparer les libertés des gens puis la liberté du public. Qui représente le contribuable, donc tous les gens. Elle s'habille comme elle veut. Non, mais ce sont souvent des personnes qui ne se baigneront pas avec des hommes. Si tu pousses cet accord-là, mais là, c'était pas ça hier. Là. C'était pas ça la demande. Elle a dit, je peux-tu me baigner avec mon burkini dans la piscine municipale? Là? Justement parce que des hommes, elle veut pas se montrer. En passant, c'est une joke. En partant, c'est un gag. On débat sur quelque chose qui arrivera pas. Là. Non, je comprends. Mais c'est un gag, c'est un guet-apens. Moi, je pense que l'individu a droit de s'habiller comme il veut. C'est juste ça, mon point. Si on commence à rentrer notre garde-robe du monde, ça commence à être pas mal arbitraire là, comme jugement. Là. Toi, t'as le droit de mettre ça. Toi, tu peux pas. Toi, t'as ci. Ah, ben là, c'est la connotation religieuse qui arrête. Mais un maire qui représente tout le monde, qui en principe peut être de toute religion... Lui, d'après moi, il y a une petite réserve à se garder. C'est pas pareil. Moi, dans ma tête, en tout cas, il y a une grosse différence entre les deux. Mais regarde, ça, c'est ça le débat. T'sais. On est en train, tout le monde, d'essayer de se démêler là-dedans, là, de la charte. Jean Tremblay, par contre, lui, qui va y suggérer de reprendre l'avion, de retourner au Maroc. Non, c'est la fin de l'extrait est complètement grotesque. On va l'écouter peut-être avant de partir une autre fois. On a-tu du temps, Jean-Claude? Vite, vite. Vite, vite. On est parti. Salut, bye.